Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Kulten Geek. Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de cette saison 4 de Kulten Geek, l'émission numéro 9. Cette semaine, pour vous accompagner, toujours présente et la seule de l'équipe à n'avoir jamais vu une seule image du jeu Portal, c'est bien sûr Renata. Bonjour Renata. T'es obligé de m'humilier dès le début de l'émission, toi. Oui, oui. Bonjour Rémi. Je m'en fais même un devoir. Un devoir. À côté d'elle, alors non, pas exactement à côté d'elle, c'est notre acteur studio, son talent de théâtre n'est plus à démontrer dans l'émission, c'est bien sûr G-Wolf. Bonjour G-Wolf. Bonjour, bonjour. Responsable de l'ActuWeb. Et puis après acteur studio, il nous faut bien sûr une cascadeuse, et ça tombe bien, Maëlys est là, elle donne de sa personne pour illustrer les what the fuck. Bonsoir Maëlys. Ça m'est arrivé une fois. Oui, bah écoute, maintenant c'est noté, hein, c'est ta vie. C'est marquant. Tu as le statut de cascadeuse. Et puis bien sûr, ce soir, vous pouvez sans doute le remarquer sur le Twitch, soit du Toulouse Esport Concept, soit de Kulten Geek. Nous ne sommes pas dans notre studio habituel, et ça tombe bien, j'ai vendu la mèche avant. Nous sommes actuellement hébergés par Renaud et Sébastien du Toulouse Esport Concept, dans le quartier de Montaudran. Et vous l'avez peut-être remarqué également sur la vidéo, nous ne sommes pas seuls. Il y a un homme, il est grand, il est barbu, il est beau. Mister Chavette, alias Maxime, responsable Web TV pour l'équipe d'eSport Rewall. Bonjour Maxime. Et bonsoir à toi. Et comment vas-tu? Eh bien, extrêmement bien. Est-ce que tu es heureux d'être là? Eh bien, évidemment, à chaque fois que je viens, toujours. Il a l'air déçu quand même. Ouais, on vérifiera ça dans une heure quand on aura fini l'émission. Allez, on est parti, top départ de l'émission avec au programme le What the Fuck de Maëlys, bien sûr, l'instant nippon de Renata, le top ou flop, le qu'est-ce que c'est, l'actu web de G-Wolf, les coups de cœur du web de l'équipe, l'interview de Maxime pour en apprendre plus sur son rôle dans la Web TV. Et bien sûr, sur la team d'eSport Rewall, il y aura bien sûr le vrai ou faux, mais comme d'habitude, tout de suite, on commence l'heure avec l'actualité des réseaux sociaux. Bienvenue à tous dans cette émission 9 de la saison 4 de Kulten Geek. Ça démarre maintenant depuis le Toulouse eSport Concept. Et dans l'actualité des réseaux sociaux, cette semaine sur Facebook, ce qui fait l'actualité, c'est bien sûr la scène inédite du film Avengers Endgame, disponible uniquement sur la plateforme Disney+, sortie cette semaine aux États-Unis seulement. La scène n'étant pas particulièrement importante, elle vous permet cependant de vous retoper 3 heures de film, juste pour 30 secondes bonus. Sur Twitter, le hashtag invente un Pokémon était en top tweet ce vendredi. Parmi les créations les plus drôles, on pouvait retrouver Premier de Grex, un Pokémon qui manque d'humour, et Non Binario, un Pokémon sans genre. Sur Twitter, toujours, le mot « il neige » était également en top tweet. D'après analyse, il semblerait que ce phénomène étrange et magnifique soit naturel et revienne chaque année à la même période. Cette étude n'explique en revanche pas pourquoi les gens sont obligés de le signaler sur les réseaux sociaux. Et enfin, sur Internet en général, le monde est soulagé de la nouvelle apparence de Sonic dévoilée dans une nouvelle bande-annonce. Sonic devient donc un hérisson plus joli qu'on ne risque pas d'écraser sur le bord de la route. L'info sociale se termine avec cette citation « c'est en se plantant qu'on devient cultivé ». Kulten Geek, c'est la meilleure émission. Faux ! Ou pas. Le vrai ou faux dans Kulten Geek. Et le premier jeu de cette émission, bien sûr, c'est le vrai ou faux. J'explique le principe, qui est très simple, tu vas voir Maxime. J'ai des affirmations, vous devez répondre si c'est vrai ou si c'est faux. Ok, très simple. Attention, là, c'est vicieux. Oui, ah ouais, okay. Alors je garantis quelques pièges quand même. Tu vas voir, on est très méfiants. Et on a déjà des gens qui nous rejoignent sur Twitch. Je vois Geeks TV. Alors l'écran est trop loin, il faudrait que je le modifie un petit peu. Mais il y a G-Wolf qui y répond d'ailleurs. Ou alors c'est les lunettes à changer. Oui, peut-être. Je sais pas. Vrai ou faux, on commence tout de suite. Dans Kill Bill 1 et 2, des scènes de forte violence sont en couleur au Japon et en noir et blanc partout ailleurs dans le monde. On parle des versions. Hein. Dans Kill Bill 1 et 2. Non. Vrai. Moi, je dis vrai pour G-Wolf, vrai pour Renata. On a un doute pour Maëlys. Maxime, parce qu'ils pour moi, sont un c'est peu en couleur dans toutes les. Enfin, la version que je l'ai vue, moi, je l'ai vue en couleur, donc. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu des trucs en noir et blanc, mais je suis pas certaine. Ça fait un moment que j'ai regardé le film. Est-ce que tu parles de passages d'environ une demi-seconde? Non, c'est pas des passages de demi-seconde. Dans Kill Bill, quand il y a une scène de violence, ça dure 3 heures et demie. Au moins. C'est pour ça que le film. C'est pour ça que le film en fait 12. Ah! Je mets faux quand même. Faux pour Maëlys et Maxime. Allez, je vais dire vrai. Vrai. Eh bien, ça tombe bien, c'est vrai, effectivement. Il n'y a qu'au Japon, les scènes de forte violence sont en couleur. Et dans le reste dans le monde, c'était une volonté du réalisateur pour éviter que le film ne soit censuré et interdit aux moins de 18 ans, tout simplement. Vrai. Mais au Japon, ils n'ont pas le droit à ça. Non, au Japon, mais non. Mais au Japon, ils censurent des trucs bizarres, tu vois. Genre, moi, j'avais regardé dans le film... Le monde de Ralph, ils ont complètement refait un perso juste pour le fun, parce que je sais pas. Parce que ils ont Japon. Complètement tout changé. Parce alors que c'était un clin d'œil pour le Japon. D'accord. Ça me fait penser à la blague Odor. Odor. À l'origine du nom de Odor. Ah oui. On va pas spoiler pour pauvre ceux qui n'ont pas encore regardé. Oui, et pauvre allemand aussi. Vrai ou faux, parmi le top 10 des sites internet les plus vus au monde figurent 3 sites X. Ouais. Vrai ou faux. Vrai. Que 3. Ouais. Ouais. Je n'ai pas de doute là-dessus. C'est ça le truc. On a un vrai pour G-Wolf. On a un vrai pour Renata. Malheureusement. Un vrai pour Maëlys. J'irai voir aussi. Ouais. Un vrai. Eh bien, c'était faux, il n'y en a que 2. Ah. Quel connard. Oui. Absolument. Là, j'ai garanti un vrai ou faux avec des pièges. Hein. Et, mais tu joues toujours sur les mots. Vrai ou faux, on continue. L'actuel roi de Jordanie a interdit un tournage de Star Trek sur son pays car elle préférait Star Wars. Vrai. Vrai aussi, je reste sur le même non, c'est vrai. Vrai. C'était pas le roi, c'est ça. Non mais qui aurait le alors la raison, l'autorité. Je trouve ça bizarre, mais je dirais faux. Je dirais faux, mais ça me surprendrait. Faux pour Maxime. Ouais, je dis faux aussi parce que c'est pas le roi en fait, c'est quelqu'un d'autre. Alors c'est faux effectivement, et il a même fait une apparition dans la série Star Trek puisqu'en fait il en est fan. Donc, c'est un épisode qui est sorti en 1996 et c'est le roi Abdallah II. Il a fait une apparition donc, dans la série Star Trek. Il est absolument fan de cette série. Vrai ou faux? Et bien sûr, on est servi à table, c'est beau ça. On devrait faire une chronique culinaire. Ah, mais je t'ai dit, je pense que ce serait un très beau moment. C'est moi qui goûte. Vrai ou faux, le champion au Scrabble francophone de 2015 ne parle pas français? Ouais. Vrai. Attends, le champion, t'as dit quoi? Champion du monde francophone de Scrabble. Bah non. Ah non, c'est de craignos. Scrabble francophone, pardon. Bah non, alors non. Non. Alors, faux pour Maëlys, vrai pour G-Wolf, c'est ça? Vrai pour Renata? Ouais, je dirais vrai aussi, ouais. Vrai aussi. Effectivement, il ne parle pas français. Du moins, il ne connaît pas les conjugaisons, etc. Il a simplement entre guillemets, appris le dictionnaire par cœur. C'est un monstre. Comme si c'était quelque chose j'avais de facile. J'avais vu un reportage sur lui, c'est un monstre. Il est incroyable ce mec. Voilà, donc c'est totalement fou. Et puis surtout, il a que ça à foutre. Il a dû apprendre les mots les plus compliqués d'ailleurs. Oui, je pense. Surtout. Je pense. Anticonstitutionnellement, il a dû passer quelques minutes. Vrai ou faux, des réseaux sociaux cette fois. La semaine dernière, je vous avais posé cette question. Au Québec, les bisounours ont été renommés les calinours. Moi j'ai dit vrai. Faux. Moi j'ai dit vrai. Je dis vrai aussi. Oui, tu avais dit vrai. Tout le monde a dit vrai. Maxime, qu'en penses-tu? Pour la première fois. Eh bien, je vais vous suivre. Je vais dire vrai. Tu as dit vrai. Eh bien, effectivement, c'est vrai. Et la raison pour laquelle ils ont renommé les bisounours calinours, parce que les bisous sont interdits. Bisoun, au Québec, en québécois, signifie pénis. Et donc bisounours, c'était trop proche. Du coup, c'est devenu calinours. C'est vrai que calinours. Ça passe moyen, c'est vrai. Ouais. Effectivement, c'est pas pour la raison qu'on croyait. Voilà. Et après, ils disent que c'est pour les enfants. Oui, exactement. Ouais. C'est comme le balai Harry Potter. C'est exactement ce que j'allais dire. Non, mais alors, vraiment. Pour Maxime, la petite histoire, c'était un vrai ou faux. L'entreprise Mattel avait en fait commercialisé des balais Harry Potter lorsque le premier film est sorti, Nimbus 2000, oui. Qui vibrait quand les enfants les enfourchaient. Et en fait, ils les ont retirés du marché quand ils ont vu que les sex shops les proposaient aussi. Voilà. Tu vois, c'est un autre j'adore univers. Ces anecdotes, c'est excellent. Je me demande ce qu'ils tapent sur Google pour les trouver. Tu veux pas savoir. Ah mais vraiment. Et enfin, non, regardez pas son historique. Vrai ou faux des réseaux sociaux de cette semaine, donc vous aurez la réponse la semaine prochaine. On pouvait avec sa Game Boy contrôler une machine à coudre. Vrai ou faux? À quoi? À coudre. Non. Alors là, je dis vrai ou faux. Je dirais faux. Moi, je ouais, mais faux. C'était plus une Game Boy. Je vais dire vrai. Bonsoir à tous qui arrivent sur le chat d'ailleurs. Ça on a un vrai pour G-Wolf, on a fait. Un faux pour Maëlys, un faux pour Renata. J'ai rien dit. Non, me cueille con. Pardon. Ah, on ne t'entend plus, Maxime. On t'entend plus. Ah. Allô. Ah, essaye de le tenir droit, peut-être. Ça. Colle-le à toi. Mieux. Non, attends, il a un petit bug. Il y a une et si on partageait on peut. Pour moi, j'irais faux. Faux. Très bien. Est-ce que le micro refonctionne? 1, 2, 2. Oui, retour. C'est super. Excellent. On a un micro qui te censure. Moi, je pense que ça ne doit pas être une machine à coudre. Moi, je pense alors, que c'est un plus une Game Boy. On a un faux. On a deux faux. Oui. Renata. Mais non, c'est moi mais qui, non, est, mais qui c'est est con. Elle t'a répondu. Ah, d'accord. Je t'ai même insulté. Il faut on se fait une plouf. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Voilà, si vous venez de découvrir l'émission Captain Geek, vous voyez qu'on est réactif, dynamique. Très. et qu'à chaque fois on sait ce qu'on veut. Et tu as dit faux ? Oui. D'accord. Ouais. C'est le téléphone qu'a choisi. Réponse la semaine prochaine dans Kulten Geek. Et on passe tout de suite sans perdre de temps à l'interview. On va en apprendre plus sur le rôle de gérant de la Web TV et bien sûr de la team Rewall. C'est tout de suite dans l'interview. Place à l'interview by Kulten Geek. Et l'interview, c'est avec Maxime alias Mister Chavette sur les réseaux. Oui. Tu es donc responsable Web TV de la team Rewall. Exact. Alors, première question simple. La team Rewall, qu'est-ce que c'est ? Alors, la team Rewall, qu'est-ce que c'est ? J'essaie d'être bref. Donc, c'est une association sous loi de 1901 qui regroupe des passionnés de jeux vidéo, donc qui ont pour but de faire de la compétition en LAN et online. Donc, elle a été créée par deux personnes, qui est la réunion en fait de deux structures, qui est Infinity Gaming et Reborn Gaming. Donc, l'une et l'autre étaient gérées par Robin et Léo. Donc, les deux étaient les responsables de ces deux structures. Ils se sont rejoints. Ils ont créé la structure Renewal, qui est Rewall est la contraction du mot Renewal, qui a donné Rewall eSport. Et elle a été créée en 2013. Alors, Rewall eSport, on comprend bien association, team d'eSport. Tout à fait. On connaît les teams d'eSport qui sont sur un jeu. Oui. Vous avez la particularité de faire du multigaming. Tout à fait. On a plusieurs line-up. Alors, j'entends que ça grisille un peu. Désolé si ça s'entend. Non, là, c'est bon. C'est bon ? C'est bon, le grisillement est parti. Super. Alors, du coup, effectivement, oui, on a plusieurs line-up. Donc c'est les équipes qu'on propose sur différents jeux. Donc on a du FIFA, on a du Super Smash Bros. Ball Ultimate, on a du Hearthstone et on a du FIFA. Voilà. Et du Trackmania, pardon. Déjà dit, ouais. FIFA, ça a été dit deux fois. Comment ? T'as dit deux fois FIFA. Ah, ok. Pas de soucis. Non, je suis chiante. Ah, mais pas de problème. Non, mais c'est parce que FIFA au carré. Moi, c'est je croyais avoir vu aussi... c'est peut-être moi qui ai mal cherché. Rocket League et Rainbow Six Siege, c'est pas le cas ? On avait. Ces line-up-là. Et en fait, les joueurs ont ils ont split. En fait, ils ont arrêté de travailler ensemble. Ouais. Soit la line-up ne convenait pas, ou les personnes... C'est vrai que c'est compliqué en fait, de gérer en fait, cette activité qui est l'e-sport. En plus, souvent des études, soit du boulot. Donc la plupart du temps, on essaye en fait faire le point, et si les personnes souhaitent arrêter, ils s'en vont. Donc ça a été le cas pour ces deux line-up là. Est-ce que vous recrutez en ce moment ? On recrute, oui. Et vous recrutez quoi ? Alors ça dépend. Ça peut être des analystes. Voilà, quel genre de profil plutôt ? Non, mais justement, c'est j'ai dit quoi parce que c'est des humains. Plusieurs, voilà, je te jure. Mais pas que ça. Ils ont essayé, les chats, ça marche pas. Vous recrutez sur tous les jeux, vous recrutez des gens sur... Tout ce qui est jeux e-sport. D'accord. Des joueurs, simplement. Des joueurs, oui, on recrute... Alors, c'est vrai que tout ce qui est e-sport, c'est pas un domaine qui me... Comment dire ? Qui me correspond énormément, vu que je suis responsable Web TV, mais d'accord. Je connais un petit peu. Alors, je sais pas quel line-up on est en phase de recrutement, mais je sais qu'on peut rechercher des joueurs, on peut rechercher des coachs, aussi. des streamers, oui, on en recherche, pourquoi pas des analystes, en fait, tout ce qui va faire tourner en fait une structure e-sport. Alors, sur le chat, sache qu'ils sont en train de s'extasier sur ta barbe. Voilà. Je sais, elle fait souvent cet effet. Hein. C'est 3 heures de soins. Notamment Geeks TV, qui fait partie de la Rewall, je crois. Tout à fait. D'accord. Donc, du coup, plusieurs jeux. Comment est-ce que ça se passe pour les tournois ? Est-ce que, du coup, vous vous inscrivez ? Est-ce que vous en organisez ? Comment ça se passe ? Dis-nous tout. Alors, on en a rien. 1, 2, 3. On n'organise pas de tournois, mais on va tout ce qui est... en fait LAN tout simplement on s'inscrit via une plateforme et en fait c'est souvent le vice-président qui lui inscrit une line-up et après on part en fait à la compétition à date donnée tout simplement. Alors la Rewall étant une association, on imagine qu'il y a beaucoup de bénévoles forcément, mais est-ce que tout le monde est en bénévole, est-ce qu'elle a des salariés, est-ce qu'elle a des sponsors Alors on est tous bénévoles dans la structure. À tout niveau, du président au simple joueur, entre guillemets. Donc on est tous bénévoles, c'est, comme je dis, c'est que des passionnés. On n'est pas rémunéré pour ce que l'on fait. C'est très compliqué, on va se mentir, hein, ce milieu-là, pour être rémunéré, il n'y a que vraiment l'élite qui peut se le permettre. Mais après, non, on est... On investit beaucoup de notre temps et on en reviendra sans doute durant l'émission, mais c'est vrai qu'on est une petite famille et... même si les partenaires, on essaie d'en avoir. D'ailleurs, on a un nouveau partenaire. D'accord. Je fais la petite bien publicité, j'en profite. Alors, je vais peut-être l'écorcher, hein, désolé, c'est RTSK3D. RTSK3D, d'accord. Tout à fait. Qui est une entreprise qui fait tout ce qui est goodies. On a le retour du grésillement, décidément, ouais. Il ne veut pas te lâcher. Donc, peux-tu changer la position du micro ? C'est peut-être ça qui gêne. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas passer ton micro du coup à Maïlys. Maïlys va prendre le micro sans fil. Et allô, allô ? Voilà. Là, tout de suite, ça crache un peu plus. C'est effectivement, plus pareil. Là, d'un coup, on t'entend beaucoup mieux avec une voix plus grave. Donc, voilà, tu peux continuer du coup sur les partenaires. Tout à fait. Donc, on a le nouveau partenaire qui est RTSK3D. Donc, notre partenaire, justement, qui fait tout ce qui est goodies, il va faire tout ce qui est un petit peu porte-clés, mug, également tout ce qui est drapeau. Donc, c'est la petite nouveauté que je voulais faire passer ce soir. Donc, c'est officiel. Normalement, si le président nous écoute, il va nous lâcher un petit tweet dans la foulée. et sinon, on a également MyDrinks, qui est une boisson énergisante. Enfin, un fournisseur de boissons qui fournit tout ce qui est marques diverses. Et également Instant Gaming, d'accord. Qui permet d'avoir des clés, une clé de jeu moins chère. D'accord. Donc du coup, en gros, ces partenaires-là vous permettent, vous à la Team Rewall, du coup, de financer un petit peu les tournois, les LAN auxquels vont participer vos joueurs. Alors, ils participent pas dans le sens où ils financent la structure, ils participent dans le sens où ils permettent d'obtenir des réductions en fait via des codes promo. D'accord. Donc attention, oui, c'est pas des sponsors appropriés, ouais. Donc c'est pas eux qui financent entre guillemets la Rewall, mais en tout cas ils aident un petit peu à avoir un peu de visibilité en fait. Alors pour justement payer par exemple les déplacements, je sais que début septembre il y avait la TubeCon à Toulouse, oui, et on a vu quelques joueurs de la Rewall sur le stand du Tech. Oui. Comment est-ce que c'est pris en charge ? Est-ce qu'il y a le logement, le déplacement exactement pris en charge par la structure, ou est-ce que chacun se débrouille à ses frais ou alors pour les joueurs, du moins, je vais parler sur cet événement-là. Ouais. Ça a été vraiment pour les joueurs défrayé à 100%. D'accord. Donc que ce soit logement, nourriture, frais également de transport. On a par exemple Geeks qui doit nous écouter et originaire de mémoire de Lille. Donc ça fait une petite trotte. Il est venu en avion. C'est pas à côté, ouais. Non, c'est sûr. Et donc du coup, la TubeCoin a pris en charge à 100% en fait tout ça. D'accord. Après, les personnes qui sont venues, alors je pense à Abyssol ou Léo, donc à Crazy de son pseudo, ils sont venus de mémoire de leurs propres moyens et ils sont logés à leurs propres frais. D'accord, très bien. Et l'équipe, est-ce que vous avez d'autres questions pour Maxime ? Déjà, pour continuer sur ce que tu disais, donc, est-ce que vous avez, combien de joueurs est-ce que vous avez à peu près ? Et est-ce qu'ils sont tous, on va dire, sur le territoire français ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans d'autres pays ? Alors, ils sont tous en France. Après, le nombre exact de joueurs, je pourrais pas te le dire. Je pourrais pas te le dire. De mémoire, Hearthstone, ils doivent être 5. FIFA, pareil. Super Smash, je pense qu'ils sont 3. Trackmania, 4. Après, entre guillemets, si j'arrondis avec tous les effectifs, avec tous les joueurs, si je dois arrondir, je pense qu'on est une trentaine. Voilà. Ok. Et comment on fait pour vous rejoindre ? Alors, ça dépend. Ça dépend. Quel est ta volonté ? On s'en intéresse. Non mais c'est vrai. C'est une question qui peut intéresser tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent ah, ben, finalement j'aimerais bien rejoindre. Alors, ça dépend en fait de ce que la structure recherche. Mmh. Est-ce qu'on recherche dans ce jeu ou pas ? Est-ce que le joueur a un bon niveau ? Entre guillemets, tout ce qui est jeu à équipe, c'est compliqué. Donc comment dire, de choisir un joueur au cas par cas, parce que du coup il faut fonder l'équipe, savoir si ça fonctionne, si ça match ou pas entre les mates ou pas du tout. Donc tout ce qui est jeu un peu équipe, c'est assez compliqué. Ça dépend du niveau évidemment de chacun. Mais après, tout ce qui est streamer, tout ce qui est plus de mon côté finalement, c'est juste m'envoyer un petit message sur Twitter ou même en taguant tout simplement la Team Rewall. Et normalement, on va être en contact et on va échanger pour savoir ce que l'on peut faire. Est-ce que du coup vous proposez par exemple un lieu dans lequel on peut mettre ça, vous mettez ça en place, ou est-ce que c'est chacun chez soi après qui s'occupe Alors c'est chacun chez soi entre guillemets, dans le sens où on vient de tout horizon. Moi je suis sur Toulouse, le président par exemple est sur Paris, le vice-président est à Lyon. En fait on se ferme aucune porte, on recherche vraiment tout ce qui est les joueurs ou les streamers en France, et c'est entre guillemets notre critère de recrutement. D'accord. On va passer sur Twitch, puisque oui. Rewall a une web TV, dont tu es le responsable. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement être responsable d'une web TV pour une équipe d'e-sport ? Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? Donc, c'est un peu à part. Donc, le côté e-sport, qui est vraiment le côté la scène compétitive, là, on va vraiment avoir la compétition, etc. Là, la web TV, c'est vraiment plus, c'est mon point de vue, en tant que responsable, déjà, il faut le dire, j'ai la chance d'avoir une équipe qui me délègue complètement, entre guillemets, ils me disent « t'es responsable, tu gères à 100% cette web TV ». Et je le remercie énormément car ils me font confiance à 100%. Et ça me permet en fait de créer en fait de nouveaux contenus, chercher des nouvelles pépites entre guillemets du stream. Pourquoi pas des personnes qui sont là, qui ont une personnalité en fait. Ce que je recherche moi personnellement quand je recrute un streamer, c'est qu'il ait en fait cette petite, ce petit truc. Comment dire ? Je pense là tout de suite c'est Abouzaï, un streamer qui nous a rejoint. C'est quelqu'un qui est passionné de skate et il a un point de mire en fait, c'est que des planches de skate dans son salon en fait. Et je trouve ça excellent parce que il a ce petit truc, cette petite touch. D'accord. Donc voilà. Donc du coup tu cherches des streamers, tu cherches des gens volontaires pour venir animer cette web TV de Rewall et faire découvrir par le plus grand nombre du coup par Twitch la team, est-ce qu'elle fait ses objectifs et ses joueurs. Tout à fait. Et justement alors après avoir fait découvrir je me suis pas trompé après avoir fait découvrir du coup ses joueurs, l'équipe, etc. Où est-ce que ça peut aller puisqu'on en parlait un petit peu elle me fait nom de la tête. Découvrir, oui, bah ça va, hein, c'est le soir, fatigué. J'ai pas mangé en plus, vous êtes en train de manger un croque-monsieur. Cet excellent croque-monsieur. Je crois que je vais m'en prendre après. Mais du coup, revenons sur nos moutons, notre team d'e-sport. Après avoir fait ça, est-ce qu'il y a possibilité du coup que Rewall devienne un tremplin pour les joueurs, pour les membres du staff, pourquoi pas ? Alors oui, tout à fait. Notre volonté, c'est d'accompagner en fait les joueurs, que ce soit streamer, staff. En fait, on veut vraiment que les personnes se sentent bien intégré, comme je te disais avant l'émission, c'est qu'on soit une petite famille. C'est vraiment accompagner du début à la fin nos joueurs ou personnes qui rejoignent la structure pour qu'ils se sentent vraiment au mieux, que ce soit pour les compétitions, que ce soit pour les streams. Toujours essayer, alors ça c'est par exemple pour mon rôle de responsable, c'est savoir mes streamers s'ils vont bien, est-ce qu'ils ont des créneaux horaires de dispo, etc. Faire en sorte que la Rewall, c'est pas juste une structure entre guillemets classique qu'on peut retrouver, c'est vraiment une philosophie, c'est une mentalité bien à part, c'est vraiment se sentir bosser pour l'autre. Il n'y a pas d'animosité en fait chez nous, c'est vraiment super agréable. Alors sur le chat, apparemment tu fais très bien ton boulot. Il y a un message, c'est on a de la chance de t'avoir en responsable. Merci, voilà. Merci. Je sais pas qui c'est qui dit ça, mais. Alors je vois pas le nom parce que je suis un petit peu bigleux. Là, Wifuse peut-être. À peine. Non, c'est sur le live. Ah, alors oui, j'avais pas précisé. Alors, est-ce que tu peux nous dire on est en live sur le Twitch de Cult & Geek, mais on est également en même temps en live sur le Twitch du Toulouse Esport Concept. Et là, c'est sur le chat du Toulouse Esport Concept. C'est un Nemesis apparemment. Nemesis, voilà, Nemesis TV qui dit ça. On a de la chance de t'avoir en responsable. Eh bien, Nemesis TV, ça tombe bien, je ne sais pas qui c'est. C'est pas un pseudo que j'ai l'habitude de voir, donc là. Eh ben dis donc, c'est la sèche. Le malaise qui arrive. L'équipe, est-ce que vous avez encore d'autres questions ? Maïlys, je sais que tu n'as pas beaucoup parlé. Et je suis tombée à court de micro entre temps. D'accord. J'ai voulu parler, il n'y a rien qui est sorti. J'étais dégoûtée, je me suis dit, bah tant pis, je parlerai sans micro. Renata, est-ce que tu arrives à le faire fonctionner ? Non, visiblement, non. On a un micro qui nous a lâché. Très bien. Il n'y a plus de micro, c'est dommage. Exactement, c'est le direct. Du coup, Maïlys, est-ce que tu as une question pour Mister Chavette, alias Maxime ? Vous avez posé pas mal de questions. Et puis avant aussi, vous avez posé encore des questions. Je ne voulais pas entendre. J'ai entendu, du coup, je n'ai plus rien comme question. qu'est-ce qui arrive pour la Rewall ? Non, mais attends, tu m'as volé. Ah, voilà. comme événement, par exemple. Alors, comme événement, alors première chose, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Twitter, on a eu l'annonce de la refonte graphique de la structure. Mm-hmm. Donc, grosse. Est-ce qu'il y a un appel à candidature pour un graphiste ou vous avez déjà le vôtre ? Ah non, c'est que on a déjà le nôtre. La refonte a été faite en fait. Okay. Le logo est tombé. Enfin, elle tombe à 18h. Donc. Ah d'accord. Du coup, je l'ai pas vu. Le site aussi, il arrive. Le site aussi, tout à fait. Et c'est donc le président et le vice-président qui ont fait un boulot de fou. Pour le coup, c'est quelque chose qu'on attendait depuis un petit moment et qui est enfin tombé. Ça fait extrêmement plaisir que ça arrive. Donc pareil, c'est au fond graphique de la Web TV, des logos, des maillots qui vont changer. Ouais. Donc ces maillots-là vont être collector. Le maillot que tu portes actuellement et qu'on voit sur le Twitch, tout à fait. C'est ça collector. Va être collector. Oui, tout à fait, c'est ça. Normalement, il va changer, donc... Du coup, est-ce que les gens peuvent se le procurer là rapidement pour l'afficher dans leur chambre, le revendre oui, sur possible. eBay à 2 millions d'euros dans 10 ans ? Je pense, oui, c'est possible. Alors, Nemesis, on a découvert qui c'était, c'est la responsable YouTube, qui a mal apparemment depuis quelques minutes. Eh ben, j'ai pas encore eu le temps d'échanger avec elle, donc c'est pour ça que je ne connaissais pas. Voilà, donc sache que tu as brisé un cœur ce soir. Ah, tant pour moi. Nemesis, si tu passes sur Toulouse, tu peux venir lui mettre une petite tape sur la tête. En mode gips. En mode gips, exactement. Ou geeks, référence. Donc du coup, refonte graphique. Et après, pour les événements, est-ce que vous avez d'autres endroits où on va vous retrouver, d'autres conventions, peut-être tournois, LAN? Alors là, comme ça tout de suite, je n'en ai pas de tête. Comme je disais, c'est pas trop ma branche, ouais, côté e-sport, mais dans tous les cas, nous, on sera à la GA de Poitiers de 2019, qui se tiendra de mémoire en mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, j'y serai également. D'accord. En tant que, pour le coup, régisseur, c'est aussi la petite particularité de responsable WebTV, c'est que je monte les régies, en fait, quand on va en LAN. Ouais. Tu as une double casquette, au final. C'est ça, tout à fait. Et normalement, à la GA d'Occitanie, qui se tiendra également à Montpellier. Très bien. Donc Montpellier, Poitiers, vous allez faire le tour de la France. C'est ça, tout à fait. Très bien, c'est noté. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on rappelle bien sûr les endroits où on peut vous retrouver ? Non du tout, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être t'as une exclue qu'on peut avoir. Ouais. On sait jamais. Une info là qui peut tomber. Eh ben écoutez, une exclusivité. Qui peut arriver là sur les réseaux dans quelques jours, mais qui arrive maintenant dans Cult & Geek. Je suis recruté dans la. Oui, tout à fait, c'est ça. Exactement, c'était l'exclu. Nemesis. Responsable YouTube. Voilà. Personne ne le savait. Personne ne le savait. Je me demandais ce qu'il avait trouvé. C'est la découverte. Du coup, merci beaucoup, Maxime. Avec plaisir. Donc, Larry Wall, c'est à retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux, le Twitter, le Facebook. Vous avez un Instagram ou pas? Oui, tout à fait. Ok, Instagram aussi. Twitch, bien évidemment. Évidemment. Du coup, YouTube avec Nemesis qui est responsable du YouTube. Nemesis que du coup on embrasse et bien sûr donc voilà c'est à les retrouver un petit peu partout à Poitiers dans quelques mois, à Montpellier également dans quelques mois, Occitania Gaming vous n'y êtes pas ou vous y êtes actuellement? Non, on n'y est pas. D'accord. On devait, je crois, de mémoire, mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, très bien. Donc, on vous retrouve un petit peu partout en France pour toutes les conventions, mais bien sûr, pour plus d'informations, il y a le site internet qui va arriver. Oui, tout à fait. Il y a les réseaux sociaux, donc voilà, vous pouvez vous tenir au courant. Ben, merci beaucoup, Maxime. Avec plaisir. Tu restes bien sûr avec nous pour toute la suite de cette émission. En attendant, on va faire, nous, une première pause en musique avec le titre Rival Lonely Moment, avant de retrouver les coups de cœur du web, l'actu web de G-Wolf, et bien sûr, le deuxième jeu de cette émission, c'est le Qu'est-ce que c'est ? Mais je vous explique les règles juste après Rival de Lonely Moment. Rival de Lonely Moment dans Kulten Geek et sur le chat du Twitch du Tech ou celui de Kulten Geek, on ne parle que d'une chose. On parle du croque-monsieur de Maëlys. Sache-le, tu es devenu célèbre. Tu es la femme au croque-monsieur. Eh ben, il est très très bon. Je voudrais bien le finir un jour. Avec le hashtag Bonap en plus sur le chat. Il y a eu un hashtag Chavette en PLS. Ah. Pendant la fin de l'interview. Et on passe tout de suite, sans perdre de temps, au coup de cœur du web de l'équipe. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Kulten Geek. Les coups de cœur du web dans Kulten Geek. Qu'est-ce qui a fait flasher l'équipe cette semaine sur le net? G-Wolf, je sais que évidemment, tu as souvent... Évidemment, ça va commencer par moi. Exactement, tu as souvent un flash sur le net. J'ai souvent un flash et cette semaine... C'était évidemment le gameplay reveal de Age of Empires 4. Pour avoir passé toute mon adolescence à jouer au 3, je pense que celui-là, je vais l'acheter day one. Il y a pas mal de personnes qui étaient d'accord derrière toi, ils ont tous fait... Ce sont de bonnes personnes. Ils ont même failli faire tomber leur verre. Maëlys, est-ce que tu as un coup de cœur? Oui, j'ai allumé à temps le téléphone. Alors, j'ai oublié le nom du créateur, mais c'est Studio Ghibli. Bien joué ça. Ils vont sortir un nouveau film. Comment il s'appelle déjà? Les Enfants du Temps, non? Parce qu'il n'est pas du tout devant moi, je me suis trompée de page. Les Enfants du Temps, oui. Les Enfants du Temps, merci, heureusement que vous êtes là pour me donner un coup de cœur. Les Enfants du Temps, j'ai juste vu l'affiche, mais je serai la première devant le cinéma. Très bien, donc là, toi, c'est le nouveau film du studio Ghibli. Ah ouais. Renata, ton coup de cœur. Mais du coup, je suis déçue, vous avez tous fait des trucs super courts. Moi, je m'étais enjaillie sur mon coup de cœur. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Non, c'est bon. C'est le but, en fait, c'est de faire partager un coup de cœur. Moi, j'étais obligée de choisir ce jeu parce que, ne serait-ce que pour le côté nostalgie. Donc, c'est le jeu de Yu-Gi-Oh! Sur mobile. Et comment se dire que j'ai perdu mon chéri avec ça. Il fait peu que jouer à ce jeu. Et franchement, il est pas mal. Franchement, il est pas mal pour un jeu mobile. Les decks, ah ouais, il y a le petit grésillement. Voilà, c'est bon. On peut continuer à parler. C'est réglé ? Non, c'est pas du tout réglé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, niveau stratégie. Là, voilà, on a eu un. Donc, niveau stratégie, c'est assez intéressant. C'est très, très varié au niveau des decks. On retrouve tous les persos emblématiques avec des invocations 3D assez sympas. Donc, j'étais très agréablement surprise. Donc, je le conseille si jamais il y a des gros fans de Yu-Gi-Oh! Donc toi, le jeu Yu-Gi-Oh! Sur mobile? C'est ça, ouais, tout à fait. D'accord, donc si vous êtes amateur de jeux mobiles et de Yu-Gi-Oh! Voilà, vous pouvez retenir ça. Alors moi, j'ai pas réussi à... Attends, j'ai pas dit le nom. Ah oui, pardon. Ça s'appelle Duel Links. Duel Links, très bien. Ben, merci beaucoup pour ce coup de cœur. Je t'en prie. Maxime, est-ce que tu as un coup de cœur, toi? Un coup de cœur. Oui. Est-ce que tu as vu quelque chose sur le net qui t'a fait flasher? Alors, pas sur le net, mais j'ai vu la bande-annonce de J'accuse, d'un nouveau film qui va bien. Enfin, je crois qu'il est sorti d'ailleurs. Oui, il est sorti mercredi dernier. Il est sorti avec Jean Dujardin qui me chauffe vraiment pas mal là. Donc, prochaine semaine, allez voir au cinéma. Donc, le film J'accuse. Le film J'accuse, oui. Avec Jean Dujardin. Tout à fait. Un film qui a fait polémique quand même. Oui, par rapport ça retrace l'histoire de l'affaire Dreyfus. Ah ouais. Oui. Donc, ça promet. Assez réaliste, donc normal qu'il fasse un peu de bruit. Exactement, mais c'est normal, effectivement. Et toi, Rémi, est-ce que tu as un coup de cœur? Alors, j'ai pas réussi à me départager, du coup, je vais simplement vous citer les noms. Il y a la série The Mandalorian qui est sortie cette semaine. Comme par hasard. Voilà. Comme par hasard. Hein, en tant qu'amateur de Star Wars. Puis, on va rester dans l'univers science-fiction avec le Jedi Fallen Order. Que j'ai pu du coup tester et commencer avec la première heure de jeu que j'ai streamé depuis la salle du tech. Puisque je n'ai pas la fibre chez moi, je leur ai piqué un petit peu de fibre. Et j'ai streamé depuis leur salle. Ils ont été très gentils de me prêter la PS4 à l'écran et le casque. Donc voilà, et je pense qu'on va continuer de streamer la suite du jeu. Ce sera depuis le tech. Et vraiment, pour l'instant, Respawn Entertainment arrive très bien à ressusciter. Ça va bien, ça fait un jeu de mots. Arrive très bien à ressusciter les jeux solo Star Wars et ça fait du bien. Ça fait un jeu de mots en anglais, c'est bien. Ouais, t'as vu? Je m'améliore. Je suis fier de toi. Les coups de cœur du web seront donc bien sûr à retrouver en extrait sur la chaîne YouTube de Kulten Geek. Et puis avant de passer à l'actu web de D-Wolf, on va profiter que Yacine ne soit pas là. On va d'abord passer au que c'est. Maxime, je vais t'expliquer les règles juste après le jingle. Il était une fois... un homme qui en fait était méchant, mais il était malade. Et à la fin, il meurt. mais qu'est-ce que c'est ? C'est maintenant, dans Culten Geek. LOL. Le qu'est-ce que c'est le deuxième jeu de cette émission dans Culten Geek. Je vous explique les règles. On doit résumer de la pire façon qu'il soit une œuvre, que ce soit un film, une série, un livre, un comics, un manga, etc. L'équipe, donc tous ensemble, avec maximum 3 propositions, doit deviner de quoi on parle et vous avez le droit à maximum 3 indices. Ok. Est-ce que tout le monde a compris ? Est-ce que tout le monde est prêt ? Le chat, vous pouvez participer. Et G-Wolf, Renata, je vous demanderai de couper le chat. Ok. Alors, interdiction de regarder. Je suis sur Instagram, mais très bien. Non, mais on sait jamais. Donc, G-Wolf, tu coupes le chat, s'il te plaît ? Je le vois de là. Je ne regarde pas. Mais on le voit tous. Mais oui, mais bon, j'ai raté des messages. Retourne au téléphone. Tu y répondras après. Le chat, si vous avez raison, je vous dirai si vous avez raison ou pas. On est parti. Voici le résumé. Une femme abandonne son lieu de travail pour retrouver un homme travailleur de nuit et part avec lui faire une course équestre accompagnée d'otages qui rapporteront un salaire à l'héroïne. Finalement, elle en profite pour donner un cours d'orthophonie. Le premier événement, c'est Supercali. Waouh. Je crois que je sais. Attends. On va regarder. On va attendre de voir si le chat a la réponse. Vous pouvez réfléchir un petit peu. Moi, je fais la gueule en attendant. Oui, je sais. Tu as peut-être la réponse. Je suis sûr. C'est pas possible que ce soit pas ça. C'est pas... Alors, apparemment, là, ça débat plutôt sur Jedi Fallen Order sur le chat. Très bien. Donc, Maëlys, ta proposition ? Les visiteurs ? Non, c'est pas ça. Ils sont à cheval et tout et ils rapportent des sous. C'est pas ça. Et en plus, ça fait de l'orthophonie au milieu. C'est pas ça. Je suis déçu. Deuxième indice, fragilistique. C'est quoi le premier ? Supercali. Super quoi ? Dans le public, on l'a. Apparemment. Supercali. Et le deuxième, c'est fragilistique. Ça me parle pas. Sur le chat, ils ont trouvé. Sur le chat du Twitch, du tech, ils l'ont trouvé. Eh ben bravo. Hein. Tu peux répéter ? Vous voulez que je répète ? Une femme abandonne son lieu de travail pour retrouver un homme travailleur de nuit et part avec lui faire une course équestre accompagnée d'otages qui rapporteront un salaire à l'héroïne. Finalement, elle en profite également pour donner un cours d'orthophonie. Je crois que je sais. Sur le chat du tech, ils ont trouvé. Est-ce que la musique ? Je crois que sur le chat de Cult & Geek, ils l'ont trouvé également. Oh, je suis pas sûr. Là, je sais pas du tout. Si vous êtes d'accord, moi je dis Mary Poppins. Parce que la musique, elle y est, super fragile. J'ai un talent pour la musique. Ah, du coup, il y a Renaud Duté qui a trouvé aussi et qui vient vérifier. Alors du coup, qu'est-ce que vous proposez ? Il vous reste 2 propositions, on le rappelle. Hein. J'écoute ta proposition, Malice. Je viens de le dire, Mary Poppins. Le troisième indice, c'est quoi ? Ah bah, je donne que si vous validez cette proposition. Ok. Bah ouais, Mary Poppins. Mary Poppins ? Effectivement, c'est la bonne réponse. Bien joué. Puisque le dernier indice était Expialidocious. Non, c'est le premier qui donnait, mais j'ai pas tilté. Et du coup, le premier indice était Supercali, Fragilistique, Expialidocious. Même à l'écrit, j'arrive pas à le lire. Eh ben bravo. C'est pas grave, c'est fait pour. Effectivement, c'était Mary Poppins, et même sur le chat, bravo, ils l'ont trouvé. Voilà, félicitations à vous tous. Et je pensais pas que vous alliez galérer autant, quand même. J'ai pas galéré, pour une fois que c'est moi qui donne des réponses, d'habitude je laisse faire tout le monde. Bah, c'est vrai que là c'est le premier que c'est de la saison, tu trouves en plus. Depuis le début. Effectivement, félicitations du coup Maëlys. Renata, tiens, on va réessayer le micro, on sait jamais, hein, il peut refonctionner à tout moment. Parce que je t'ai piqué. Le que c'est, ça revient bien sûr la semaine prochaine. Et on va passer tout de suite à l'actu web de G-Wolf. What the fuck jusqu'au So cute, c'est l'actu web dans Culten Geek. G-Wolf, qu'est-ce qui s'est passé sur internet ? Qu'est-ce que tu nous rapportes comme info ? Attends, laisse-moi dire bonsoir d'abord. Bonsoir G-Wolf. Bonsoir. Très content de faire ma chronique ici aujourd'hui. En plus, apparemment, la bière, elle est offerte. merci d'ailleurs. Le mug n'est pas rempli de chocolat chaud. Hein. Ce soir, comme chaque émission, je vous propose quelques petites informations sur ce qui s'est passé cette semaine. À peu près cette semaine. On va débuter par les sorties jeux vidéo parce qu'il y en a deux qui en ont fait beaucoup. Il y en a deux qui en ont fait beaucoup parler, dont on a beaucoup parlé, pardon. Jedi Fallen Order et Pokémon Shield Sword. Vous choisissez. Du coup, ça fait 3, mais bon, on va dire que ça fait 2 quand même. De ce que j'ai entendu, Jedi Fallen Order, ce serait un Dark Souls-like, mais pour les enfants. Non. D'après un. Je suis pas d'accord, monsieur. D'après un commentateur anonyme... Laisse-le finir. Il ne faut pas attaquer ce jeu, tu le sais. Calmez-vous. D'après un commentateur anonyme qui m'a dit, je cite, « Bah ouais, c'est pareil, mais bon, le sang et les démembrements en moins. » Et pour Pokémon, visiblement, tout le monde valide, sauf encore ce commentateur anonyme qui m'a dit « Oui, bon, écoute, je veux bien, mais bon, en vrai, c'est Zelda Breath of the Wild de Pikachu. Oui. » Pas du tout, j'ai pas de Switch, donc j'y ai pas joué. Elle demandait si c'était toi le commentateur anonyme. Je précise parce que le micro a lâché. Ah, d'accord. Okay. En tout cas, merci commentateur anonyme. Vous aviez d'ailleurs peut-être des choses à réagir, des choses à dire par rapport à ces Zelda, deux jeux. Zelda, c'est Zelda, on touche pas. Ouais, et Jedi Fallen Order, on touche pas non plus. D'accord, ok. D'accord. J'ai vu que je suis face à des grands fans. Parce que là, pour l'avoir testé, il se rapproche plus d'un God of War qui est sorti avec le même studio. Oui, d'accord. Plutôt que d'un Dark Souls. C'est pas du tout la même chose et la difficulté, déjà, t'as le mode facile, normal et difficile. Ne t'inquiète pas. Donc Dark Souls, t'as pas de mode de Ce commentateur anonyme n'a pas beaucoup de goût. Alors, info suivante. Je l'ai dit la semaine dernière et vous devez tous le savoir maintenant, mais Disney Plus ne sortira en France que le 31 mars 2020. Cependant, alors que la plateforme n'est sortie qu'aux États-Unis et aussi au Canada, il me semble, en 24 heures, elle comptabilisait déjà plus de 10 millions d'abonnements. Est-ce que c'est assez pour concurrencer Netflix ? Non. Parce que eux, c'est plutôt du 137 millions d'abonnements. Mais ça reste un départ fulgurant pour Disney Plus qui commence tranquillement à ronger les souliers de Papy Netflix, celui qui a plein d'histoires à raconter, même si elles sont souvent un peu claquées. D'ailleurs, en parlant d'histoires claquées, c'est l'heure de l'infoflash. The King. Rémi, envoie le jingle, s'il te plaît. Ah oui, il y a le jingle. Infoflash. L'adaptation live-action de Death Note par Netflix a le culot de s'offrir une suite. En tant que client, je me suis insurgé en apprenant la nouvelle. Et puis, je me suis rappelé que j'utilisais le compte d'un pote. Alors, c'est la fin de l'infoflash. Et pour finir, sachez qu'Internet a connu dans son histoire de grands bouleversements qui ont laissé leurs traces et qui, par la suite, ont changé la manière dont on percevait ce réseau. Je pense notamment à 1972 avec la naissance de l'International Network Working Group, ainsi que 1983 et l'adoption du protocole TCP/IP et du mot Internet. Mais aussi du World Wide Web en 90 et puis en 2000, l'explosion de la bulle dite Internet qui concernait tout ce qui était lié au secteur de l'informatique et des télécommunications. Vient sans fin 2017, Fortnite, qui a créé le plus grand baby boom de l'histoire d'Internet. On ne s'en remet toujours pas. Nul doute que si je parle de tout ça, c'est qu'il y a bien quelque chose qui est arrivé. Cette semaine, un nouveau bouleversement a eu lieu. Un de ceux qui laissent des empreintes très longtemps dans les consciences. Ce qui est arrivé est un désastre, une catastrophe, une hécatombe. Il y a une Tesla qui a cassé. Certains diraient même une crise Seldon, pour ceux qui ont la référence. Les jours s'assombrissent petit à petit et pendant ce temps, PayPal bannit Pornhub. Ils n'ont pas perdu de temps pour réagir en disant qu'ils étaient dévastés par la décision de PayPal d'arrêter le versement de plus de 100 000 acteurs qui en dépendent pour vivre. Qu'on peut traduire par « faites pas les relous, les mecs, il y a tellement de gens qui payent leur abonnement en passant par PayPal, on peut s'arranger avec quelques petits comptes premium, ça va. » Et Pornhub, non, pas du tout. pas du tout, j'en ne suis plus, j'ai perdu le fil. Vas-y, respire un coup, ça va passer. Faut que je respire. Que Pornhub, ainsi que vous, qui vous nous écoutez, se rassure, tout n'est pas perdu, il y a un espoir. Les crypto-monnaies. Vous ne le savez peut-être pas, mais MindGeek, la société mère de tous les plus gros sites de boules sur lesquels vous allez, a un partenariat avec une crypto-monnaie. Elle se veut intraçable, anonyme et sécurisée. N'est-ce pas formidable pour celui qui ne veut pas que son banquier voit ses achats ? Elle ose même se draper d'un nom qui a sûrement dû taper dans l'œil de son partenaire, Verge. Merci de m'avoir écouté, c'est tout pour cette semaine. Merci G-Wolf pour cet ActuWeb. Waouh, tout ça pour ça. Oui, moi aussi, je m'attendais à un truc super sérieux, un gros dossier, en fait. Je pense que c'était fait exprès. Ça finit, je vais pas finir cette phrase. Oh oui, franchement, okay, c'est très drôle. Bravo, G-Wolf. Mais c'est du vrai ce que j'ai dit, il y a vraiment une crypto-monnaie qui s'appelle Verge et qui est partenariat avec, du coup, Pornhub, RedTube, tout ça. Alors, sur le chat, en tout cas, ils reviennent beaucoup sur Disney+, c'est la polémique. Oui. Que ça a produit. Est-ce que tu peux nous rappeler, je ne sais pas si tu as suivi toi. Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Est-ce que Rémi peut nous dire ? Moi, de ce que j'ai vu sur Disney Plus à sa sortie, et j'étais à fond pour télécharger de manière tout à fait légale The Mandalorian. Oui, oui, oui, bien sûr. On le sait, on y croit. En VO, bien évidemment. Ah, j'avoue, j'ai kiffé. Sous-titré français. j'ai pas vu de grosses polémiques, surtout les gens qui s'indignaient en France parce que, à cause de la législation, on est obligé d'attendre fin mars. Mais sinon, j'ai pas vu de grosses polémiques. Franchement, tout le monde attend et tout le monde a déjà téléchargé The Mandalorian, donc je crois pas. Je vois pas de quoi tu parles. Et j'avoue, quand vous dites Disney+, moi ça me fait penser à genre Disney Channel avec les petits programmes tout pourris là. Non, c'est juste le truc que tu regardes. Je pense que ça sert aussi également. Ouais. Ah non, c'est le Netflix de Disney du coup. Oui, voilà, c'est simplement ça. On va voir ce que ça sera. Hein. Tu sais, la grosse info sur Disney+, c'était qu'il y avait 30 secondes supplémentaires dans Avengers Endgame. Oui, voilà. Mais bon. Waouh, wow. 30 secondes, c'est le temps de prendre un bus dans la gueule. Oh putain, c'est la meilleure vanne de l'émission. Merci Maëlys. Eh bien écoute, merci beaucoup G-Wolf. L'ActuWeb, c'est donc fini pour cette semaine. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour plus d'infos. Ce sera retrouvé en extrait sur notre chaîne YouTube. Et en attendant, on va faire une dernière pause en musique avec le titre de Sad Puppy, Never Look Back. A tout de suite. Looking for a way out, I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back, never look back, never look back, yeah. Never look back, yeah. Never. Sad Puppy, Never Look Back. Dans Cult & Geek, on est de retour et apparemment quelqu'un a montré ses muscles à la caméra. Qui est-ce ? C'est Camicron qui vous balance comme ça. Je dirais comme ça, peut-être notre invité. Ouais. Notre invité. Je n'ai pas suivi. Ah, tu n'as pas. Pardon. Je n'ai pas suivi. Apparemment, il y a Camicron qui dit MDR, il montre ses muscles à la cam. Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose ? Non, d'accord. Très bien. Non, je ne crois pas. Du tout. Alors Camicron, oui, celui de gauche, pas Chavette, celui de gauche. Donc c'est toi, tu vois lui. D'accord. Salut, je t'ai pas balancé. Hein. Salut. Je t'ai pas balancé. Ah, mais je ne savais pas que c'était moi, du coup. Alors Camicron, du coup, tu seras. Il fait des exercices, il nous dit. Donc Camicron est notre caméra de sécurité. Sache-le. Tout ce qui il se passe. Il nous avertit dès que tu fais la balance. Ah, bien. Oui, il y a eu peut-être quelques étirements, je reconnais. D'accord, quelques étirements, c'est pour ça. On a les explications. Merci Camille Cran, mystère résolu. Et apparemment, sur la polémique sur Disney+, c'est surtout qu'il y a eu des modifications dans les Simpsons. Je ne savais pas ça. Bah moi non plus, je l'ai appris là ce soir, du coup. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce que vous dites, spectateurs ? Ils en ont parlé sur France Inter. France Inter. Eh bien, c'était une sacrée polémique alors. Effectivement. Après, au bout d'un moment, Netflix qui modifie Retour vers le futur et Disney les Simpsons, bah, il fallait télécharger la version originale. Simpsons. Non, moi je m'en fiche. Après, c'est pas South Park, donc c'est pas une critique sociétale. Donc, allez, on continue cette émission. La polémique, ce n'est pas aujourd'hui. Exactement, voilà. La polémique, ce sera la semaine prochaine, peut-être. Le top ou flop, tout de suite. Top. Flop. Le top ou flop dans Culten Geek. Le top ou flop, c'est le dernier jeu de cette émission. Maxime, je t'explique les règles. En gros, j'oppose deux noms de films, de séries, de comics, de mangas, etc. Et vous devez me répondre lequel est top ou lequel est flop. C'est-à-dire lequel est le mieux noté par rapport à l'autre ou lequel est le moins bien noté par rapport à l'autre. Et bien sûr, je prends mes sources sur Sens Critique. Est-ce que tu connais Sens Critique ? Oui, je connais. Oups. Est-ce que tu y vas souvent ? Pas du tout. D'accord. Et tu fais bien parce que sinon, tu deviendrais fou. Voilà. Puisque ça note tout et n'importe quoi, n'importe comment. Allez, on est parti tout de suite. Donc le premier, lequel est top ? Medieval Remake, qui est sorti sur PS4, ou Medieval premier du nom ? Il est sorti sur quoi le premier ? Medieval Remake, qui est sorti sur PS4 là, non, récemment. Non, le tout premier. Ah, le tout premier, j'en ai aucune idée. PlayStation aussi, merci. Merci. Moi, je dis le premier en top. Moi, je dirais le remake. Medieval Remake en top ? Non. Non, justement, ah. L'inverse. Medieval ou Medieval Remake ? Medieval. Medieval, d'accord. Remake, en top. Medieval Remake. Ouais, pour pareil. Maïs, en top. Medieval Remake aussi pour... Non, le premier. Le premier Medieval. En top. Ah, et le micro qui, décidément... Premier aussi pour moi. ...se censure les gens. Regardons ça tout de suite. Medieval Remake est noté à 7,1. Medieval premier du nom est noté à 7,4. Et est effectivement top par rapport à Medieval Remake. Trop facile. J'ai voulu faire un peu d'originalité. Entre ces films... C'est le... tout, c'est toi toujours qui dis oui, c'est mais toujours oui. Le premier qui est meilleur que l'autre. Donc. Lequel est flop entre ces films ? Retour à Zombieland ou Shaun of the Dead ? Zombieland. C'est quoi, flop, t'as dit top ? Lequel est flop ? Retour à Zombieland, Zombieland ou Shaun of the Dead ? Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Je suis pas sûr de ce que t'as dit comme retour nom. Retour à Zombieland. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Mm-hmm. Tu fais une tête bizarre, Renata. Elle se fout de notre gueule. Non, non. Elle parle la langue. Surtout lui. Je comprends jamais quand tu parles anglais. Non, alors, mais reste dans l'émission, Rémi, ça on va. On a un micro qui vient de se couper définitivement, Renata. Désolé. Tu veux le mien ? Je vais partager avec toi. Ouais. Donc, Shaun of the Dead pour Maëlys. En flop. Ouais, je crois, oui. Et pour toi aussi, Renata. Maxime. Ah, moi, je penserais à Retour à Zombieland. Retour à Zombieland. Pareil. On a 2-2. Fille contre garçon. Laquelle team a raison ? Shaun of the Dead est noté à 7,4. Retour à Zombieland, 6,4. A plus. C'est donc Retour à Zombieland qui est flop. Et vous aviez raison, donc Maxime. Je peux faire une blague sexiste ? Oh no. Non, machine à laver, tu te la carouche. Tu tais-toi. C'est bon, je rigole. Il y a quand même un message qui m'intrigue là sur le Twitch du Tech, c'est que Geeks TV dit j'ai envie de balancer Chavette. Donc, j'ai envie de balancer Chavette. Ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Moi, je veux bien qui bah, mais Geeks, si tu veux le faire, vas-y. On c'est te des lit, blagues on te c'est par rapport à Twitter. Attendez. Des clins d'œil. Il m'a envoyé un petit message pour m'envoyer un message pour me dire Nemesis, c'est Manon au fait. Petite info. Une pensée pour Manon. On va attendre donc. Ça se trouve, ils sont s'il confirme ou pas, on continue. Entre ces deux séries, laquelle est top ? Star Wars Absolute ou The Mandalorian ? Mandalorian. Alors, j'ai pas eu de doute, là, c'est bizarre. Est-ce que j'ai joué franc jeu ou est-ce que... Oh, je m'en fous, je préfère ça, donc je fais ce que je préfère. The Mandalorian, donc, pour Maëlys. Évidemment, comme je n'ai vu aucune des deux, Je vais dire The Mandalorian. The Mandalorian, très bien. Ah, je suis souvent parce que ça me parle pas. The Mandalorian aussi pour. Ouais, pareil. On perd. On perd, c'est tous ensemble. Alors regardons. Star Wars Absolute est noté à 6,7. The Mandalorian est noté à 7 tout pile pour l'instant. Effectivement, c'est donc The Mandalorian qui est top. Et enfin, d'après vous, lequel est flop entre ces animés ? Seven Deadly Sins, Assassination Classroom, je le dis à la française, comme ça on se fout pas de ma gueule, Afro Samurai, Tokyo Ghoul ou Food Wars. Assassination Classroom. Lequel est flop ? Oh merde. Je savais bien qu'il fallait quand même répéter la question. C'est marrant parce que t'as compris quand même que je considère en top. Oui. Ah, tu poses une colle là. Bah, le je suis pas du tout animé, donc là je pourrais pas vous aider. Hein. Moi je voulais répondre en dernier. Le dernier Food Wars ? Non, je voulais répondre en dernier, mais du coup personne ne sait. Donc, Afro Samurai, allez, au pire, c'est ce que j'allais dire. Afro Samurai, le seul que j'ai retenu. J'ai dit le tout premier, pardon, je te tape dans la Seven Deadly Sins ? Ouais. Très bien. Je connais pas. Donc, Seven Deadly Sins. C'est trop bien. Ah, dommage. Si, tu connais en plus, tu m'en as parlé. Ah, c'est sur Netflix, je t'en ai parlé. C'est pas grave. Donc, Seven Deadly Sins pour Maëlys. Maxime ? Afro Samurai. Afro Samurai, ouais. Très bien. Same, pareil. Enfin, Afro Samurai c'est également. C'est une drôle d'idée, mais... Bah, le micro qui te censure, hein, qui compte. Non, mais il a compris qu'il fallait pas écouter. Go Tokyo Ghoul, écoute. Tokyo Ghoul ? Eh bien, regardons ça tout de suite. Food Wars, que personne n'a cité. 7,3. Mm-hmm. Assassination Classroom, que personne n'a cité également. 7,2. Seven Deadly Sins, 7,1. Pour l'instant, il est en bonne position pour être flop. Afro Samurai, 7,2. Bon. Ouais. Alors, entre Seven Deadly Sins et Tokyo Ghoul, lequel est flop ? Eh bien, la réponse se trouve dans la note de Tokyo Ghoul, qui est de 6,6. C'est donc Tokyo Ghoul qui est effectivement flop par rapport à tous ces animés. Je suis heureuse et triste en même temps. Oui. Parce qu'il avait beaucoup de potentiel quand même. Non, c'est naze. Alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il soit moins bien noté que Afro Samurai. Qui, pour vous expliquer un peu l'histoire, c'est les samouraïs africains. Voilà. C'est le pitch de base. Oui, mais c'est dans le nom, hein. Samouraïs. Oui, tout le monde s'en doutait. Oui, effectivement, mais alors, quand il te résume ça. Quand tu te résumes ça, pour lancer la série, eh ben t'as l'impression que ça va être de la merde. Eh ben apparemment, ça a plu aux gens. Voilà. Non, c'est très populaire. Hein. Je me permets une petite réponse à Renata. Le dernier épisode de la saison 1 de Tokyo Ghoul est extraordinaire. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, mais tout le reste est claqué. Est-ce que t'es malade ou enrhumé ? Oui. Ça s'entend. D'accord. D'accord, merci Maëlys. Mais de rien, je suis voilà. Docteur à mes heures perdues. C'est de l'investigation, c'est du terrain, du reportage. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait beaucoup de potentiel. C'est pas de moi qu'elle parle, je suis déçue. Non. Merci Maëlys. Renata, ça tombe bien que tu aies parlé parce qu'on va continuer avec toi. On part direction l'Asie avec l'instant nippon. C'est l'instant nippon dans Culte & Geek. L'instant nippon, Renata, de quoi vas-tu nous parler cette semaine ? Alors, je vais faire deux petites parties dans ce moment, parce que la première, je voulais la dédier à une chaîne YouTube, Bon Appétit Rémi, qui peut vous permettre d'en apprendre plus un peu sur la culture japonaise. Donc, c'est Tev, c'est un Français qui a fait sa vie au Japon, il a une femme mariée japonaise, des enfants qui vont à l'école là-bas, etc. Il vit là-bas. Donc, voilà, et donc il s'agit du créateur aussi et gérant de la marque Candy-san, que peut-être certains connaissent plus que le mec qui est derrière d'ailleurs. Candy-san, je connais, mais alors Candy-san, non. Ouais, c'est comme ça que ça se prononce. Ah, c'est une boisson alors. Attends, c'est non, c'est un site sur lequel ils vendent des box et des produits en fait du Japon. Ah, donc c'est pas Candy-san. Ouais, non. Ah, non. Non, je parlais de la boisson là. Ok, non, pardon. Non, j'ai cru que tu parlais vraiment de ce truc-là. Non, pas du tout, effectivement. Donc non, c'est un site sur lequel tu peux commander des box, etc., avec plusieurs produits japonais, etc., qui viennent de là-bas. D'accord. Donc, et lui, il fait des vidéos YouTube. C'est quoi ? C'est des box de genre manga ou des trucs comme ça ou... Non, pas du tout, c'est surtout de la bouffe. Ah, Voilà, de la bouffe. Mmh. Je crois que certaines ont des petits goodies, mais vraiment surtout de la bouffe. Donc tu peux choisir plusieurs thèmes, t'as plusieurs box en fonction des saisons, etc. Franchement, c'est très très garni. Si tu vas sur sa chaîne YouTube, tu peux voir un peu le derrière, on va dire, de tout ce qui est livraison. Il a même fait des vidéos. Enfin, celle que j'ai vue, c'était 24 heures où ils mangent Candy San. Donc on voit vraiment leurs entrepôts, tout ce qu'ils ont, enfin tout ce qu'ils proposent un peu. C'était un peu une vidéo. Ça aurait pu être son coup de cœur en fait. Non mais. Enfin, juste comme c'est ça. Le mien. Non mais voilà. Il y avait Host. J'avais parlé de Louis San. Connaît. J'avais parlé de Louis San précédemment. Tev et Louis. Oui. Il y en a un au moins qui le connaît. Parce qu'en fait, Louis San, donc c'est un autre youtubeur dont j'avais déjà parlé dans Cutten Geek et ils sont alliés tous les deux. D'accord. Donc Louis San, il est franco-japonais. Du coup, ils sont alliés, ils font des vidéos ensemble. D'accord. Voilà. Donc ils font plusieurs concepts assez intéressants. Donc voilà, je voulais, pour ceux qui aiment bien la culture japonaise, bah, voir quelqu'un vraiment qui habite là-bas, c'est pas mal. Effectivement. Mais le deuxième, c'était un petit... on peut pas appeler ça un coup de gueule, mais j'étais extrêmement déçue par un anime récemment et j'ai pas fait de trucs sur un anime, d'instant nippon sur un anime depuis très longtemps. Oui. Et c'est sur Angels of Death, donc c'est un anime... Ange de la mort. Ouais, en gros. Et c'est un anime sur lequel j'avais beaucoup d'attentes et qui m'a extrêmement déçue en fait. Voilà, tout simplement. Il y a D-Wolf qui a commencé à se marrer, pourquoi? Ah oui, on se fout ta gueule là. Hein non mais je sens... C'est juste ta traduction qui était formidable, qui tombait au bon moment. Personne ne savait ce que ça voulait dire. Ouais, on n'était pas sûr, tu vois, tu nous as éclairé. Excuse-moi, voilà, je non, pense mais... aux gens qui, comme moi, qui sont peut-être sur le chat, qui sont peut-être sur nos web radio partenaires, et qui ne parlent pas un mot d'anglais. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent connaître la traduction. Oui, mais laisse-moi croire. Après m'être moqué de lui, je souligne quand même le grand effort qu'il fait. Donc moi, je me moquerai pas de cette si jamais vous avez très bonne traduction. Mots, parce que là, dans la salle, il y a aussi une enfant. Je ne sais pas quel âge elle a, mais peut-être qu'elle ne parle pas anglais pour c'est l'instant. Vrai. Alors c'est important de traduire pour elle. Bon. Tout à fait raison. Elle commencera avec un meilleur niveau en anglais que moi. oui, donc voilà, petit coup de gueule, je disais, parce que. J'ai juste regardé 11 épisodes, j'ai même pas terminé pour te dire. Mais il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas. Vraiment. D'accord. Okay. Donc, pourquoi, comment, où? Alors, déjà, pour le petit synopsis, je vais vous le faire vraiment. L'a préparé. Mais j'avais préparé un synopsis qui est que c'est, mais en fait, vous ne le connaissez pas, donc c'est pas la peine que je le sorte. Donc voilà. Donc c'est l'histoire d'une fille qui a assisté à un événement tragique, donc du moins au début, c'est ce qu'on dit. Elle se retrouve enfermée dans un bâtiment à plusieurs étages, chaque étage a son gardien. Qui l'a édifié à son image, et les Zack, donc un psychopathe qu'elle a croisé là-bas, vont essayer de s'enfuir à leurs risques et périls. Voilà. En gros. Voilà, exactement. Ouais. Alors, risques et périls. Non, mais elle c'est extrêmement difficile. Alors, entre risques, Zack, risques et périls. Non, mais voilà. On c'est est parti pour un Scrabble. Rachel et Zack, donc les prénoms. Sans être français. Voilà. Donc en fait, si tu veux, le truc, c'est que les personnages répètent tout le temps la même chose. Ils sont liés par une promesse, mais qui date de genre il y a 3 heures en avant. Parce que tout se passe, en fait, je pense, dans la même soirée ou sur 2 jours maximum. Donc, tu sais, c'est le temps qu'ils... Toute la série ou toute la saison? Toute la saison. D'accord. Donc voilà, en fait, si tu veux, c'est difficile de t'attacher à des personnages sur lesquels tu ne sais rien. Zack, encore, ils approfondissent un peu plus parce que tu vois un peu son enfance, tu vois pourquoi il est devenu aussi dérangé. C'est un tueur en série, en fait, le mec. Ouais, d'accord. Alors, tu sais que personne... si tu bouges la main avec le micro, on t'entend moins bien. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je fais avec l'autre main. Donc, toute sa personne est entourée de bandages, donc partout. Donc, tu vois juste ses yeux et sa bouche, on va dire, à travers les bandages. Et tu comprends que c'est un tueur en série. Donc tu vois un peu sa vie. Mais par exemple Rachel, tu ne sais rien d'elle pendant très longtemps, mais tu comprends que c'est juste une fille suicidaire en fait, qui est psychopathe un peu sur les bords. Alors Maxime, voilà. Est-ce que pour l'instant ça t'a donné envie de pas le regarder? Ah, c'est vendeur hein. Là, c'est... Des tueurs psychopathes, des suicidaires. Oui, mais justement je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus, alors que là bah, juste t'as des psychopathes sans aucune histoire, sans aucun background, à tous les étages. Donc, on commence par Zack qui la poursuit et au final, ils deviennent alliés. Tu sais pas trop pourquoi. À l'étage d'après, c'est une fille qui aime bien le labyrinthe, les énigmes et les guns. Donc, au final, elle essaie juste de les tuer en les canardant de balles. Et enfin... En fait, à chaque étage, il y a un peu ça qui se passe. C'est juste le petit truc du bah, « la fille est intelligente, le mec, il est con. » Du coup, bah, il la suit pour qu'ils essayent de sortir de cette tour. Et... Non, Si, c'est bon, on t'a retrouvé. On m'a retrouvé. Oui, vas-y. J'allais faire une blague misogyne en plus. Je t'ai écouté. Ah bah, je t'arrête là tout de suite. C'est pas moi, s'il te plaît. Laisse-moi ces blagues là, s'il te plaît. Vous savez quoi, pour changer de sujet, merci Lol Yankul qui vient de dire salut l'équipe. Salut à toi. Donc, Renata, on peut revenir. Merci de dire bonjour. Ouais, donc voilà, donc il y a des phases avec des grosses hallucinations, des passages où il n'y a vraiment aucun sens. Il y a une sorte de fanatisme religieux qui est abordé. Enfin, voilà quoi. C'est la fin est très soudaine et très ouverte. On est d'accord que le mec qui est con, il est quand même tueur en série. Oui. D'accord. Ah, je me souviens de ma blague. Mais si tu veux justement, il se retrouve à cet endroit parce qu'il voulait tuer des gens, je crois. Ouais. Et on lui a dit, bah là, tu pourras tuer autant de gens que tu veux sans te faire prendre. D'accord. Du coup, c'est pour ça qu'il a accepté d'être là. Donc en fait, il n'était pas encore tueur en série. Si. Mais si tu veux, il a commencé quand il était enfant. Okay. Et bon, bah, il s'est pas fait attraper, je sais pas trop pourquoi. Parce que choix scénaristique. Non, mais voilà. Et du coup, je me suis un peu renseignée, tu vois, sur le truc. Et apparemment, il faut avoir joué au jeu parce que c'était un jeu à la base. C'est une adaptation du jeu qui a eu deux adaptations en manga après, je sais pas quoi. Mais en fait, l'anime, il devrait se suffire à lui-même. Alors que bah, là, l'anime, il sert à rien. Enfin, juste, tu le regardes, tu comprends rien du début à la fin. Et puis tu te dis, bon, ok, bah, je viens de passer je sais pas combien d'heures à juste voir une fille suicidaire qui a envie que le tueur en série la tue. Et c'est pour ça que bah, elle l'aide à s'enfuir. C'est pour qu'il la tue au final. D'accord. Bah, bien joué pour le spoil en tout cas. Hein. Bah, ouais, c'est pas grave. Là, vraiment, vous risquez rien. Allez jouer au jeu, c'est plus truc. Voilà, apparemment, ça, c'est pour les fans du jeu. C'est bien de regarder ça parce que ça apporte plus d'informations sur je ne sais quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup Renata. Donc animé déconseillé. Voilà, pour une fois, vraiment. Et pas très clair. Voilà. Et oui, je vous conseille plutôt le jeu, à la limite. Maxime, du coup, tu es plus tenté par le jeu, toi, ou par l'animé? Non, du tout. Je me sens Est-ce qu'on pourra voir sur le Twitch de Larry Wall Angel of Death? Oui, pourquoi pas, hein, mais. C'est pas mon délire. Tout ce qui est animé, c'est pas mon truc. Maëlys, qu'est-ce que tu fais? Tu tentes la ASMR là ou? Est-ce que. D'ailleurs. Est-ce que c'est le micro ou c'est moi qui m'entends? Non, ça y est, ça remarche. Oui, ça remarche. Et ben, j'ai voulu parler, personne ne m'a entendu ni regardé parce que du coup, il marchait plus. D'accord, oui. Bah, et du coup, tu es parti en ASMR. En train je de gratter le micro. Je pensais que ça s'entendait pas. Si, tout à fait. D'ailleurs, je précise. Oui, je suis douée, oui. Non, d'accord. C'est pas vrai. Il y a beaucoup trop de talent autour de cette table. C'était juste pour dire que c'est censé être un anime d'horreur, mais il n'y a pas d'horreur. D'accord. Tu vois juste des gens complètement tarés. Il n'y a aucun moment, il y a du gore, à aucun moment, il y a quoi que ce soit. Même Tokyo Ghoul, il arrive à être plus gore, pour te dire. Heureusement, il y a ton et film encore. En noir et blanc qui relève le niveau. Kill Bill. Ouais. Merci du coup, Renata, pour ce déconseillage d'animé. Je t'en prie. Je t'en prie. On attend par contre Angel of Death en stream sur Twitch de Larry Wall. Hein. En défi ou autre, mais il faut le caser. Hein. Ok, ça marche, à noter. Faut le caser quelque part. Geeks, on veut voir Geeks y jouer. Ok. Eh ben écoute, Geek, maintenant tu sais quoi faire. Hein. Go, tryhard ce jeu. Fortnite, c'est passé. Oui, ça va pas c'est durer. Vieux jeu. Ça va pas durer, Fortnite. Il n'y a pas de mise à jour qui est prévue. C'est le même jeu depuis le début. Enfin, voilà. On a fait le tour d'un moment. Mais voilà. Allez, Geek, tu passes sur Angel of Death. Merci beaucoup, Renata, du coup. Et on passe au dernier instant de cette émission. C'est bien sûr le What the Fuck de la semaine. C'est vraiment, mais vraiment what the fuck. What the fuck ? Le what the fuck de la semaine, c'est bien sûr avec toi Maëlys. Alors ouais. Quelles sont les informations que tu nous rapportes ? Alors globalement c'est des petits what the fuck. Je suis en train de réaliser en fait que c'était pas du tout en silencieux. Il y a une vidéo qui se lançait toute seule. D'accord. J'ai eu de la chance, c'était mon what the fuck. J'ai l'exclusivité. En gros pour l'instant on a par exemple sur un, comment on appelle ça, un cours de golf. Oui. Un vrai cours, genre en compétition. Il y a oh putain, c'est dur quand on n'a pas le langage du sport. Oui, qu'est-ce que le sport? Sur la balle, en fait, qui a été lancée. Oui, on dit la balle, oui. Ouais. C'est pas un club de golf? Non, mais arrêtez de m'embrouiller. Ah oui, je comprends pas, parce que, en fait, j'ai pas compris c'était quoi le... Essaye d'expliquer avec des gestes, vas-y. Hein, on reprend les habitudes. Ouais, du coup, pour ceux imaginez qui sont à l'audio, que c'est, je vais faire traduction. Pour vas-y. Commentateur. Donc Maëlys a pris un stylo pour imiter le club elle de golf. Le swing. Exactement. La balle part. Elle tombe. Et là, on a deux animaux sauvages qui arrivent, qui piquent la balle et qui se barrent. D'accord. Ok. Ils ont dû relancer la balle. C'était sur un je sais pas ce qui est le plus drôle, l'histoire ou l'imitation du swing par Maëlys. Moi, je sais pas. L'imitation, nous ne savons pas. C'était décidez, sur un truc de pro. Dans le chat, vous votez. Je suis trop forte en fait. Vous comprenez pas les choses. On a aussi une compétition en Russie qui est le concours de BAF. Et on a trouvé le tsar de la BAF. Le concours de BAF. Oui, vraiment, c'est. Non, pas on besoin continue, d'imiter. Hein. Non, merci. Ça, on peut éviter. On peut éviter. Sans te toucher. C'est deux candidats face à face et qui doivent gifler l'autre, chacun son tour, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit complètement sec ou qui abandonne. Et on a un gars qui sèche au premier coup chaque personne. D'accord, voilà. Donc, t'as été baraqué. C'est typiquement. Est-ce que tu as une photo du mec? Le genre de gars après croiser en soirée. Il est là. C'est un. Comment on appelle ça? Un fermier, donc je pense que ça montre sa force. Ah. Ouais. Oui, je vais pas m'y risquer. Il fait quand même le double de ma taille. Alors voilà, on a pointé du doigt Maxime qui est avec nous en disant il est là le mec qui sèche tout le monde dans une baffe. Bah Maxime, tu reviens de Russie, il fallait le dire. Non. Team Rewall devient international. Quoi qu'il y a un truc à faire, hein. Pourquoi pas. Hein. Multigaming et lancer. Concours de baffe. Concours de baffe. Ouais, quoi qu'en là, il y a moyen. Il y a moyen. On va lancer tellement de mauvaises idées ce soir. Non, mais la Russie sont à part. Comment on fait pour pas perdre foi en humanité en fait avec tous les instants qu'elle nous fait là. Il faut écouter Pourquoi Kutendik. Tu m'as montré du doigt avec. Mais ça, parce c'est que bien. C'est toi qui les présente donc. Et du coup, tu as une dernière info, c'est ça? Oui, en même temps j'en ai une autre qui est plutôt sympa, un petit mix de coup de cœur et de what the fuck, c'est t'es sur le PC, choisir. On est dans l'e-sport, tiens. Vas-y. Tu joues au PC, tu as froid aux doigts, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes le petit couffin où tu mets les doigts dedans et c'est chauffé par le PC. Attends, comment ça? C'est un couffin qui vient par-dessus ton clavier? Par-dessus tes doigts au niveau de la souris. D'accord, seulement pour la souris? Oui, ils ont pas trouvé encore pour le clavier de D'accord. technique. Et donc du coup ça se déplace en même temps que tu déplaces ta souris? Oui. Mais c'est génial! Non, en vrai, ça c'est génial. Ah ouais? Ça c'est super bien. Mais ça fallait le mettre en coup de cœur! C'est pas what the fuck! Il fallait choisir, j'ai préféré Ghibli quand même. Je suis plus souvent devant Ghibli que devant le PC. Vous mourrez de froid vous devant votre PC? Ah oui, moi c'est toujours la main de la souris, elle est tout le temps froide. Je sais pas pourquoi. Elle est éloignée du PC, il n'y a pas de moteur. Moi j'ai une explication, mais je peux pas la sortir là. Moi je mets le chauffage Est-ce que chez tu moi. Es gaucher? Je ne répondrai pas à cette question. Oui. Dernier élément, ça va être par exemple dans les transports en commun où on va croiser un monsieur avec son petit rat qui est dans sa poche ou une vieille dame avec son chat sur la tête ou des choses comme ça. Donc ça c'est ta dernière info, oui, parce qu'on on a changé, hein, c'est plus le truc image. Qui chope les mains. Ouais, mais fallait que je conclue. Tu les as trouvées où ces images? Sur internet. Oh non, mais je me doute. Non, mais tu veux pas savoir où non. Non, mais si on a envie de les voir, ces images. Eh ben, on les partagera, nous, sur nos réseaux. Et ben bien voilà. Sûr, sur la rediffusion YouTube. À chaque fois, on YouTube. Dit ça et on le fait jamais. Hein. Mais ne tient qu'à vous de partager les images, les amis. Vous avez les droits sur tous les réseaux sociaux, il faut le savoir, ça. Je suis jamais allée dessus. Je l'ai parce que tu m'as obligé à l'avoir. Voilà, il y a Jean-Loup qui est sur le Twitter et on y est à deux, donc on est plutôt actifs. On taf. Mais sur l'Instagram, il y a aussi Renata. Oui. Et sur le Facebook, on poste deux fois deux trois trucs. Mais... Il nous faut le responsable Facebook. Voilà, écoute, ça, on l'a exactement. Pas encore. Donc Manon, du coup, comme Maxime ne te connaît pas, si tu veux passer de responsable YouTube de Rewall à responsable Facebook Cult and Geek. On fait du c'est recrutement. Mieux, c'est on moins recrute. Bien payé. On recrute. Exactement. On t'aime, Manon. On t'aime. Vraiment désolé, Manon. Hein. Ce sera retenu et elle se vengera un jour. En tout cas, tu as une admiratrice. Cult and Geek, finalement, ça s'arrête sur ces belles paroles. Merci Maxime d'être venu présenter la Rewall. On rappelle bien sûr la team Rewall à retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et Twitch, où on te retrouve en tant que responsable de la Web TV. Le Toulouse eSport Concept qui nous a accueillis ce soir également à retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dans le quartier de Montaudran également. C'est quoi l'adresse? Si vous êtes de passage dans la Ville Rose. Et l'adresse, je ne l'ai pas, est-ce que vous la connaissez les gars? Ouais, mais ils ont des croque-monsieur. Comment ? Rue Valentina Tereshkova. Rue Valentina Tereshkova, bravo. 9. 9 rues. Eh ben, ouais, mais ils sont tellement grands qu'on le voit de loin. Ça, c'est beau. Et d'ailleurs, on peut te retrouver sur le journal du Tech chaque une tout fois. Regardez un petit même merci prospectus. Renaud qui est venu. 9 tu n'oublies plus. Tereshkova, exactement. Métro les croque-monsieur sont bons. Les croque-monsieur, les panini aussi. Venez nombreux. Merci en tout cas de nous avoir suivis, que ce soit sur Twitch ou sur nos web radios partenaires. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous. Bisous. Ciao.